parlerai. Est-il quelque remède souci dévorant qui de longtemps m'obsède? Quel est-il? Chaque nuit, je me songe m'épouvante. De vous savoir si cette terreur qui m'accable est fondée et comment ce danger redoutable peut être détourné. Désespérée.